Chapitre 3e. Donc, j'ai passé ma première nuit de noces dans une cheminée de buanderie. Cela n'avait rien de plaisant, reprit le petit bonhomme. Le fait est que le père et la mère de Fanny, qui m'aimaient assez dans l'ordinaire de la vie, ne voulaient pas m'admettre pour gendre. Je n'avais pas d'argent dans ce temps-là, et ils en avaient. Aussi entendaient-ils que Fanny s'attacha à quelqu'un d'autre. Nous en vîmes, malgré cela, à nous avouer mutuellement nos sentiments. Je la rencontrai dans le monde, chez des amis communs. Nous avons d'abord dansé ensemble, et puis causé, et puis coqueté, et puis, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Si bien que j'en vins à n'aimer rien tant au monde que de m'asseoir à ses côtés. Nous ne nous parlions guère. Mais je me rappelle que j'avais pris l'habitude de la regarder par l'extrême petit coin de mon œil gauche. Et alors je devins misérable et sentimental. Je me mis à faire des vers et à m'inonder d'huile de macassar. Je compris que cela ne pourrait pas durer longtemps comme cela. Aussi, après m'être promené de long en large sur le trottoir ensoleillé d'Oxford Street avec des bottes trop justes pendant toute une semaine, quel été brûlant c'était, et cela dans l'espoir de l'avoir passé, je pris le parti de m'asseoir et de lui écrire, la suppliant de me recevoir en secret, afin que je puisse entendre sans témoin mon arrêt sortir de ses lèvres. Je lui dis que j'avais découvert avec enthousiasme que je ne pourrais plus vivre sans elle, et que si elle ne voulait pas de moi, j'étais résolu à prendre de l'acide prussique, ou à m'enivrer, ou à émigrer, afin d'en finir avec la vie d'une manière ou d'une autre. Bref, j'empruntai une guinée et corrompis la femme de chambre pour la décider à remettre ma lettre, ce qu'elle fit. « Et quelle réponse avez-vous reçue ?» demanda Timson, qui avait remarqué que tout encouragement donné à la redite d'une vieille histoire avait pour conséquence certaine une invitation à dîner. « La réponse ordinaire, vous savez. » Fanny me dit qu'elle était affreusement malheureuse. Elle me laissa prévoir la possibilité de sa fin prochaine, ajouta que rien ne pourrait la détourner de ses devoirs envers ses parents. Elle me supplia de l'oublier, de me consacrer à quelque autre plus digne de ma tendresse, et toutes sortes de choses du même genre. Elle déclara que dans aucun cas elle n'accepterait de me rencontrer à l'insu de son papa et de sa maman, et comme elle devait passer de certains côtés du jardin de Kensington à 11 heures, le lendemain matin, elle me supplia de ne rien tenter pour la voir. « Il va sans dire que vous n'y êtes pas allé, » dit Watkins Tuttle. « Le croyez-vous ? Eh bien, si fait, j'y suis allé. » Elle était là, avec la susdite femme de chambre vedette, de façon à ce que personne ne vînt nous interrompre. Nous nous sommes promenés 2 heures environ, savourant délicieusement nos malheurs et nous engageant irrévocablement l'un à l'autre. Alors a commencé la correspondance. Nous n'échangeons pas moins de 4 lettres par jour. Il est impossible d'imaginer tout ce que nous mettions là-dedans. Et puis, tous les soirs, nous avions une entrevue, tantôt dans la cuisine, tantôt dans la cave ou quelque autre part. Donc, les choses continuèrent de la sorte pendant quelque temps, et tous les jours nous nous aimions davantage. À la fin, notre amour s'était tellement accru, ainsi que mes appointements, du reste, que l'on venait d'augmenter, que nous résolûmes de nous marier secrètement. Fanny fit en sorte de passer la nuit, la veille de la cérémonie, chez une de ses amies. Nous devions nous marier de bonne heure, rentrer ensuite chez ses parents et être très pathétiques. Il était convenu qu'elle tomberait aux pieds du vieux gentleman dont elle inonderait les bottes de larmes. Moi, je devais couvrir la vieille dame de caresses, l'appeler ma mère et me servir de mon mouchoir de poche le plus possible. Marié. Nous le fûmes le lendemain matin. Deux jeunes filles, amies de Fanny, remplirent l'office de demoiselle d'honneur, et un garçon que j'avais loué 5 shillings et une pinte de porteur me servit de père. Par malheur, la vieille dame avait ajourné jusqu'au lendemain matin son retour de Ramsgate, où elle avait été rendre une visite, et comme nous avions fondé sur elle une grande partie de nos espérances, nous résolûmes de retarder notre confession de 24 heures. La nouvelle épousée retourna chez elle, et je passai mon jour de noces à flâner dans Hampstead Heath et à envoyer mon beau-père à tous les diables. Naturellement, j'allais le voir réconforter de mon mieux ma chère petite femme, en l'assurant que nos ennuis seraient bientôt passés. J'ouvris la grille du jardin dont j'avais la clé, et conduit par la servante, je gagnai notre ancien asile, une buanderie carrelée ornée d'un dressoir sur lequel nous avions l'habitude de nous asseoir pour nous faire la cour. « Se faire la cour sur un dressoir ?» interrompit M. Watkins Tuttle, dont les idées de décorum étaient affreusement outragées. Eh mon Dieu, oui, sur un dressoir, reprit Parsons. Et laissez-moi vous dire, mon cher, que si l'amour vous avait pour tout de bon mis la tête à l'envers, et que vous n'eussiez pas d'autre place pour y faire votre cour, vous seriez diablement content de profiter d'une pareille occasion. Enfin, voyons, où en étais-je ? Sur le dressoir, hasarda Timson. Oh, ah, eh bien, j'y trouvais la pauvre Fanny tout à fait inconsolable et accablée. Son isolement lui avait paru d'autant plus terrible que le vieux avait été de très mauvaise humeur tout le jour. Elle était à bout de courage. Je lui eus bientôt fait voir la situation sous un meilleur aspect. Je pris gaiement la chose, l'assurant que le contraste nous ferait trouver d'autant plus de saveur à la vie matrimoniale. Je fis si bien, enfin, que le visage de la pauvre Fanny s'éclaircit un peu. Il était 11 heures environ et je prenais congé de mon amie pour la 14e fois, lorsque nous vîmes arriver la servante, effarée, pieds nus. Elle avait descendu l'escalier 4 à 4 pour nous annoncer que le vieux drôle, Dieu me pardonne de l'appeler ainsi, il est mort et bien loin maintenant, inspiré sans doute par le prince des ténèbres, arrivait pour tirer lui-même la bière de son souper, chose qu'il n'avait pas faite depuis 6 mois, à ma connaissance, car le tonneau était placé précisément dans la buanderie. Il ne fallait aucun prix qu'il me découvrît là. Toute explication eût été inutile. Sa violence était telle, lorsque la moindre des choses l'irritait, qu'il ne m'eût certainement pas écouté. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. La cheminée était très large. Elle avait été primitivement construite avec l'intention d'en faire un four. Le conduit montait perpendiculairement jusqu'à une hauteur de quelques pieds, faisait un coude et aboutissait à une sorte de petit réduit. La réalisation de mes espérances, ma fortune, la seule chance peut-être qui dût m'être offerte d'unir à jamais nos destinées, tel était l'enjeu de la partie. Je grimpais dans la cheminée comme un écureuil et me pelotonnais au fond de la cachette. Fanny et la servante replacèrent le devant de feu de telle façon que je distinguais la lueur de la bougie que tenait mon inconscient beau-père. Je l'entendis tirer la bière. Non, jamais bière ne coula aussi lentement. Il allait enfin quitter la cuisine et je me préparais à descendre lorsque le devant de feu tomba avec un fracas épouvantable. Le bonhomme s'arrêta, posa la bougie et le broc sur le buffet. C'était un vieillard nerveux que le moindre bruit imprévu mettait hors de lui. Il fit froidement cette remarque, qu'on ne se servait jamais de la cheminée, et envoya la domestique effrayée chercher un marteau et des clous dans la cuisine. Puis il cloua solidement la planche et ferma la porte à clé en se retirant. C'est donc dans le four d'une arrière-cuisine hermétiquement clos, et dont le sommet avait été primitivement exhaussé de 15 pieds environ, de peur que la fumée n'incommodât les voisins, que je passais ma première nuit de noces, parée du fin pantalon de Cariset, du gilet de fantaisie et de l'habit bleu que j'avais revêtu pour mon mariage. Là, ajouta M. Parsons en faisant circuler le porteau, là je restais jusqu'au lendemain matin. À 7h30, le bon ami de la femme de chambre, qui était charpentier, vint briser ma coquille. Le vieux chien m'avait si consciencieusement cloué qu'à 7 heures encore je suis fermement convaincu qu'un charpentier seul eût pu me délivrer. Et que dit le père de Mrs. Parsons quand il eut découvert que vous étiez marié ? Demanda M. Watkins Tuttle, qui, bien qu'il ne comprît jamais la plaisanterie, n'était satisfait que lorsqu'il avait entendu le dernier mot d'une histoire. L'affaire de la cheminée chatouilla si bien son esprit qu'il nous pardonna sur le champ et nous donna quelque chose pour vivre jusqu'à l'heure où son corps eut atteint le bout de l'inévitable chemin. Je passai la nuit suivante dans une chambre du 2e étage, sur la façade, beaucoup plus confortablement que je n'avais passé la précédente. Car ainsi que vous le pouvez aisément deviner, « S'il vous plaît, monsieur, madame a préparé le thé, » dit une domestique entre 2 âges en faisant irruption dans la salle. « Voilà précisément la femme de chambre en question, » dit M. Gabriel Parsons. « Elle est entrée au service de Fanny au début de notre mariage et ne nous a jamais quittés. À dire le vrai, je ne crois pas qu'elle ait éprouvé pour moi un atome de respect depuis le matin où elle assista à ma délivrance. Elle fut prise alors d'un fou rire qui n'a guère cessé depuis. « Voulez-vous maintenant que nous rejoignions les dames ?»« Si vous le voulez, » dit M. Watkins Tuttle. « Assurément, » ajouta l'obséquieux M. Timson, et en conséquence, le trio se dirigea vers le salon. Le thé, une fois pris, après que M. Watkins Tuttle eut convenablement passé et repassé les tasses et les toasts, on proposa de faire un whist. Le hasard désigna les partenaires. M. Parsons eut Mrs. Parsons, M. Watkins Tuttle eut Mrs. Lillerton. M. Timson, en sa qualité d'ecclésiastique, ayant des scrupules au sujet des jeux de cartes, but quelques grogues et continua de rompre des lances avec M. Watkins. La soirée fut charmante. M. Watkins Tuttle était en verve. Il avait quelques raisons de se réjouir de l'accueil que lui avait fait Miss Lillerton. Avant son départ, une petite partie fut projetée pour le dimanche suivant. « Tout me paraît aller à merveille », dit M. Gabriel Parsons à M. Watkins Tuttle en lui ouvrant la porte du jardin. « Je l'espère », reprit le petit homme qui secoua vigoureusement la main de son ami. « Vous arriverez dimanche par la première voiture. »« Certainement », répondit M. Watkins Tuttle. « Indubitablement. » Mais il était écrit que M. Watkins Tuttle n'arriverait pas le dimanche suivant par la première voiture. Ses aventures durant ce jour et la suite de ses tentatives matrimoniales seront le sujet d'un autre chapitre.